La douce voix de Rihanna pour clôturer l'Eurodance 25 de ce soir. Nouveau numéro 1 des clubs. Et je pense qu'on est parti sûrement comme l'année dernière avec Calvin Harris pour All Depends on Love pour une bonne partie de l'été. Calvin Harris, premier ce soir avec Rihanna pour le This Is What You Came For. Alan Walker en 2 pour Feidi. 3e, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Kongs numéro 4 avec This Girl. Et en 5e position, Chainsmokers avec Roses. Il y a noté les deux entrées de la semaine, celle de David Guetta avec Zara Larsson et le nouveau Jennifer Lopez avec le Enter Mamaran. Car sur funradio.fr pour récupérer l'intégralité de ce nouveau classement. Un petit week-end à la cool, on le termine ensemble avec Party Fun Deep tout à l'heure à minuit, 22h le Night Show et 20h dans quelques secondes maintenant. Ils sont au taquet, ils sont en pleine forme, ils sont beaux, ils sont pimpants. Ils sont Tu dis dans quelques secondes parce que t'es en avance. Non, parce qu'en général je rends à l'heure, donc j'ai fait un passage d'antenne à 59. Et oui, je sais que ça vous fait bizarre de démarrer. Non, mais ça rattrape les jours et t'es en retard. Ah non, il est jamais en retard. C'est pas Nico qui est en retard, c'est JB. C'est JB la semaine. Non, mais ça faille, on fait le tout. Semaine, mais... week-end, pareil. Moi, je te félicite, Nico, t'es toujours à l'heure. Bravo, t'es pile poil. On va se retrouver d'ailleurs demain et mardi pour le passage d'antenne. On essaiera d'être là. Ah, tu seras là demain aussi. Exactement. Eh ben, on compte sur toi. Vous me manquiez. Allez, salut. Ciao. Salut, ciao. Fun Radio. Tous les soirs. 0 à 42 48, salut. Love in Fun. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et on est là, bien sûr, comme tous les soirs sur Fun Radio. Très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous en profitez bien. Là, pour tous ceux qui ont la chance d'être en week-end, bien sûr, parce qu'il y en a qui bossent. Oui, comme moi hier, jusqu'à ce matin. T'as travaillé, toi, encore, Doc? Oui, bien sûr. Un grand bosseur, hein? Mais pareil, oui. T'as bossé avec ta meuf, c'est ça? Cet après-midi, oui. Ah oui. J'en attendais pas moins de ta part. On est très content d'être avec vous sur Fun Radio tous les soirs, 20h, 22h du dimanche au jeudi. C'est une vraie libre antenne qu'on fait tous ensemble. C'est une émission en fait qui est faite pour se parler, tout simplement. Oui. Et pour vous aider, parce qu'on est là pour vous filer des petits conseils. Vous allez pouvoir venir ici poser toutes vos questions au standard de Love in Fun, 01 42 48 5000. On salue déjà tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux et sur la webcam, bien sûr, puisqu'on est filmé tous les soirs. Émission en streaming avec toute l'équipe. Doc, vous l'avez entendu, salut. Je m'appelle Karel. Il y a Kassim qui est à l'area de cette émission. Ça va, Cassim? Ouais, putain, je suis. J'en peux plus, j'ai enrhumé. Pourquoi? J'en peux plus. Je veux des mouchoirs. Arrête de te plaindre. Ah, je croyais que c'était parce que t'avais une vie tumultueuse pendant le week-end avec tes meufs. Non, je suis resté au lit tout le week-end, avec une bouillotte. Il est en jachère. Je me suis branlé. En jachère. Voilà. Jachère sexuelle. Là. Alice, s'il te plaît, un peu de glamour dans l'émission. Bah écoute, je ne sais pas. Avec un truc comme ça, qu'est-ce que tu veux que. Qu'est-ce que t'as fait, toi, ce week-end? Bah en fait, moi, je me suis mouchée pendant tout le week-end, mais c'est seulement aujourd'hui que ça va tous mieux. Tous les deux, attends. Mais non, pourquoi on vous êtes enrhumés tous les deux? Tu trouves ça bizarre, non? Non, non, il n'y a rien de bizarre. On travaille ensemble. Non? Même tu devrais nous dire ça. Bah, regarde, mais nous aussi, on travaille avec vous et on n'est pas enrhumés, nous. Ouais. Non, on n'est peut-être pas assez proches. Ah merde, putain, ça y est, je sens qu'il y a un rapprochement entre Alice et Kassim. Cécile et Ariane qui vous attendent au standard au 01 42 48 5000. Ils sont en pleine forme, ils sont beaux ce soir. D'ailleurs, ils vont nous mettre Romain à l'antenne, c'est incroyable. Ils appuient sur un bouton et Romain est avec nous. Bonsoir Romain. Salut les gars, ça va ou quoi? Ça va super. Romain, t'as 19 ans, t'es à Nancy, toi. Voilà, c'est ça. Alors, t'appelles pourquoi? Alors, en fait, c'est vachement compliqué. Alors, il y a 3-4 jours, j'étais avec mon pote, tranquille, chez moi. Ouais. Et là, pour rigoler, on va sur Periscope, tu vois, tranquille. Ouais. Et genre, on met la zone géographique de Nancy, tu vois. Là où t'habites. Ouais, voilà. Et là, du coup, on regarde des péris. Et là, je tombe sur le Periscope de deux personnes, un gars et une fille. Je regarde, ils sont dans un lit, ils regardent un film, ils se font des bisous. Et en fait, c'était mon pote et mon meilleur ami et ma meuf. Et j'ai appris comme ça que ma meuf, elle m'avait... Enfin, c'est ouf, quoi. Mais non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans la rue, ils étaient où? Non, dans un lit. Dans un lit? Mais non, dans un lit, ils étaient chez elle. Genre, ils parlaient avec des gens sur Periscope et en même temps, ils se faisaient des bisous de temps en temps, quoi. Ouais, bah en fait, déjà, je comprends pas pourquoi ils font ça, tu vois. Et genre, ils étaient sur un lit avec un film devant eux, ils se filmaient, ils s'embrassaient. Enfin, j'ai pas compris, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait, alors? T'as laissé des messages sur Periscope, j'imagine. Alors, non, j'ai rien dit sur Periscope. J'ai envoyé des messages aux deux par SMS, j'ai dit mais c'est quoi ça, pourquoi vous faites ça et tout. Les deux pendant deux jours, j'ai pas eu un seul message, j'ai rien eu. J'ai insisté, tu vois, j'ai fait le relou. Ouais. J'ai fait le relou et au bout de deux jours, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit ouais, laisse tomber, c'est fini, accepte-le, tu vois. J'ai pas eu d'explication et je comptais sur vous du coup pour avoir des explications. Ils sont prêts à partager tous les deux. Ouais. Ah putain, et donc du coup tu veux les appeler en direct et on va en parler avec eux, c'est ça? Ouais, vas-y. Bah ouais, parce que ouais, c'est très bien, parce que j'ai pas eu d'explication et tu vois, j'ai été copié comme ça, j'avais au moins une explication, tu vois. Ça c'est vrai. Peut-être, c'est peut-être la deuxième fois alors. Ouais, peut-être si. J'ai l'impression. On appelle ton pote, il s'appelle comment ton pote? Il s'appelle Audran. Et on a aussi le numéro de la fille. Mon ex-pote. Ah, on appelle ta copine aussi en même temps. Allez. Attends, on va les appeler tous les deux. Allez-y, appelez. Allô? Allô, Audran? Ouais. Salut, Audran. Attends, bouge pas, on appelle quelqu'un là. Bouge pas. Je vais t'expliquer, Audran. C'est une, bonne nouvelle. C'est qui? Ah, tu vas voir, surprise. T'en appelles quelqu'un? Allô? Allô, Oriane? Oui. Bonsoir, Oriane. Audran, oui, Oriane. Bon, bonsoir à tous les deux, vous êtes en direct sur Fun Radio. Salut. Sur Fun Radio. Voilà, dans toute la France, je m'appelle Karel, il y a Doc qui est là, l'émission Salut. S'appelle Love in Fun, on est là tous les soirs du dimanche au jeudi de 20h à 22h. D'accord. Eh ouais. Ouais, oui, bien sûr. Et vous savez, ouais, c'est pas pour gagner un voyage à Las Vegas. Non, c'est mieux. Non, à la base, c'était un iPad. C'était un iPad. Ouais, tu vas voir. C'est moi un iPhone, du coup. Avant, il va falloir répondre à une question. Attends, je vais quand même expliquer comment on a fait pour les avoir. C'est-à-dire qu'on les a appelés cet après-midi, hein, en leur faisant croire qu'ils allaient passer sur une autre radio, hein, pour gagner un iPad. Alors que pas du tout. Audran et Oriane, vous êtes là parce que vous n'avez pas donné d'explication à Romain qui est avec nous. Voilà. Romain. Périscope, ça vous dit quelque chose, non? Hein? Ouais, Serge Aurier. Ouais, Serge Aurier, ouais. Ouais, ça c'est vrai, le mec du PSG, ouais. Non, mais là, il y a un nouveau maintenant. Buzz. Il y a vous aussi. Ah oui, il y a un nouveau buzz, là. Audrey et Oriane qui se font des bisous sur Périscope pendant que Audran, oui, Audran, oui, pardon. Audran, pardon. Audran et Oriane, en fait. T'inquiète, t'es pas obligé de le respecter, tu l'appelles comme tu veux. Hein. Alors, hé, Romain. T'as quelque chose à dire? Et on écoute Romain deux secondes, vous êtes d'accord? Ouais, bougez pas. Déjà, je suis super déçu, vous en doutez. Et le pire, c'est que j'ai même pas d'explication, donc je sais pas si vous pouvez vous expliquer, ça me ferait un peu du bien, je pense, enfin, j'imagine. Wow. Bah. Audran, t'expliques ou pas? Bah. Après, rien, c'était sa meuf. Mais porte tes couilles, gros, parle, gros, c'est beau. Bah franchement Romain, laissez-moi avec toi, enfin, franchement j'étais heureuse, mais je sais pas, il y avait un truc qui, voilà quoi. C'est quoi le truc? Attends, c'est quoi le truc? Un truc qui n'allait pas, c'est ça? Bah non, franchement, enfin, j'étais attachée à toi, mais je t'aimais pas quoi. Et là, tu es amoureuse d'Audran? Bah franchement, je pense. Mais le fait, c'est que j'ai pas de soucis avec ça, mais au moins, tu fais les choses dans les règles, tu me quittes, et attends, après tu fais ce que tu veux. Je sais, mais enfin, je sais pas, t'étais tellement attaché à moi, enfin, je savais pas comment te le dire en fait. Bah franchement, à la base, c'est juste pour le cul, hein. Je me suis attaché vite fait. Hein. Oui, d'accord. Ah, et c'est pour ça que t'es allé sur Periscope pour l'avertir, pour le tenir au courant. Non, déjà, c'est pas moi qui est allé sur Periscope, c'est Audran. Mais... Alors Audran, est-ce que t'es amoureux d'Orian? Bah ouais, ça va faire un mois en fait, Romain, que moi et Orian on commence à se voir, tu vois, comme je monte souvent sur Nancy. C'est pas le meilleur pote. Hein. Tu vois, comme t'es meilleur pote, comment je peux te dire ça, gros? Mais après, tu vois, les sentiments, voilà, c'est trop chiant, ça se contrôle pas. Et du coup, bah, voilà. Mais voilà, c'est totalement ça, quoi. En fait, je suis pas d'accord avec vous parce que ça peut se contrôler à partir du moment où tu te dis dans ta tête que c'est là, pas possible. C'est consommé, oui, là, c'était possible pour eux. Ouais. Non, mais Oriane, tu dis toi-même, Romain, bon, j'avais pas eu trop de sentiments, pourquoi tu as pas été cash avec lui plus vite? À lui dire, bon, écoute, je sais pas, enfin. T'avais peur de lui faire de la peine? Voilà, c'est ça. Bah là, t'as fait pire. Bah ouais. Bah oui. Faudra pas faire la même chose Romain, avec Audran. Mais je suis vraiment désolée parce que c'est vraiment un mec bien, il est vraiment gentil. Ah oui, il est gentil. Vraiment quelqu'un bien. Romain, t'as quelque chose à dire? Bah franchement, à cause de ça, je pense que j'aurais avoir trop de mal à m'attacher à une autre fille, j'aurais vraiment plus confiance en elle et du coup, bah, ça me fait vachement chier quoi. Après, Audran, pareil, ça reviendra. Si je reparle à lui, ça reviendra, Romain. Si je le vois, je lui casse les jambes. Vous n'allez pas vous battre quand même, non? Non, ça sert à rien, c'est un peu bête. Se battre pour une fille, c'est un peu stupide tout de même. Romain, je vais te dire une chose, écoute-moi bien. Ouais. Il ne faut pas que tu te sentes dévalorisé du tout. Dans l'affaire, ce n'est pas toi qui t'es trompé, c'est Oriane et Audran. Voilà. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Ça arrive absolument à tout le monde, et cela ne veut pas dire que tu ne vas pas retrouver une fille à jour. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que quand on vit une histoire comme ça et qu'on est déçu, il faut laisser couler un peu d'eau sous le pont. Laisser les choses évoluer et ça reviendra tout doucement dans ta tête. Là, maintenant, t'es dans la détestation, dans la haine, dans tout ce qu'on veut, c'est normal. Laisse couler ça. Vois tes potes, amuse-toi, c'est ça le plus important. Mais juste, Romain, t'as vu quand la vidéo quand je comprends pas trop. Non, mais arrête, Audran, fais pas le genre celui qui comprend pas. De toute façon, ça y est, tout le monde a bien compris. Bon, Romain, bon courage à toi. Tu souhaitais une explication? Eh ben là. on a bien niqué tout le monde puisque tout le monde était avec nous. Hein. Et j'espère que tu es satisfait, Romain, et qu'on t'a aidé. Allez, bon courage, Romain. Bah, les gars, vous m'avez complètement aidé, merci. Je peux compter sur vous, c'est cool, les gars. Et bah, tu reviens quand tu veux, Romain, et bon courage à toi surtout. Et j'espère que tu vas la trouver. Passe ton chemin. Ok, ouais, continuez comme ça et merci pour tout, les gars. Salut. Salut Romain, Audran et Oriane, à bientôt. Bisous. Et on sera avec Sébastien dans un instant, 15 ans de Dunkerque. Salut Sébastien. Salut Carré, c'est l'équipe. Salut. Salut à toi. T'appelles pourquoi Sébastien? Mais en fait, je voulais savoir si l'eau de pluie, ça pouvait se boire. D'accord. Ok. Bonne question, ouais. Ah bah, j'ai de dire, j'ai souvent bien bu en Bretagne. Hein, c'est vrai. Pas que de l'eau. Et on va prendre des nouvelles d'Alex aussi, parce qu'il devait aller au cinéma avec une fille. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était cette semaine. Et le frère de la fille devait être de la partie. Il y avait une histoire de chantage, de me donner 20 euros. 30. Ouais, 30 euros. On va réécouter ça dans un instant et prendre des nouvelles après Benny Benassi. I'm here at the end, if I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah, that's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yelling, turn it up, let go, let go, let go. In the Benassi sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Love in fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. N'hésitez pas à nous appeler tous les soirs dans Love in Fun, de poser vos questions, demander des conseils. Là, Sébastien est avec nous, il a 15 ans, de Dunkerque. Salut, Karen, c'est l'équipe. Ouais. T'es en train de faire quoi là? On entend plein de bruit autour de toi. Ah, en fait, je suis dans ma voiture en fait. Ah, d'accord, à 15 ans, mec qui conduit des voitures, hein, tranquille. T'as une voiture à 15 ans, Sébastien? Non, non, non, je suis en voiture de mes parents. Ah, ok, d'accord. Et tu fais quoi? T'es avec tes parents, là? Oui. Ah, ils sont devant, papa, maman? Voilà. Ah, passe-nous ton père. Ouais, madame. Passe-nous ton père. Ouais, ouais, bien sûr, on va lui dire bonjour. Bah oui, important. On va demander s'il y a une question, lui aussi. Allô, monsieur? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes le papa de Sébastien? Oui. Quel est votre prénom? Carlos. Carlos, vous êtes en direct sur Fun Radio. Ah, super. Vous voulez poser une question? Il y a un médecin qui est là. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Sur la sexualité aussi, Carlos, n'hésitez pas. Ah, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ah bon? Ah, non, vous, je me pose une question. Vous buvez l'eau de pluie à la maison? Parce que votre fils pose la question, là. Si je bois l'eau de pluie? Oui. Ouais. Ah non, je ne la bois pas, non. Ah c'est, bon. C'est la question de Sébastien. Il veut savoir si l'eau de pluie, ça peut se boire. Eh oui, on n'a pas parlé à madame, Tandoc. Ah oui, bien sûr. Bon, c'est filtré, hein. On peut parler à madame? Si vous voulez. Ah, merci beaucoup. Non, il veut pas que tu. Non, méfie. Pareil que Cassim avec toi. On va y passer, madame. On est une émission, on fait connaissance avec les gens. Bien sûr. C'est important. Mmh. Bonsoir, madame. Bonsoir. Allô, madame. Bonsoir, la maman. Madame, vous nous entendez? Madame Carlos? Non, elle s'appelle pas Carlos. Ah, pardon. Elle s'appelle Madame. Elle ne veut pas parler, elle est timide. Ah ouais, d'accord. Ah, okay. Quel est son petit nom? Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Attends, voilà. Faites attention, c'est ta dragueur. Non, ça risque pas. Là, je suis casé, je te signale. Ah oui. Tu, oui. Ça ne t'empêche pas. Oh, ça, si, ça m'empêche totalement. Bon, alors, repassez-nous, Sébastien. On va avancer parce que c'est bon. Bon, alors, quelle est la... Ah, c'est toi. Alors, oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, je vais savoir si de plus ça se buvait. Alors, c'est une mauvaise nouvelle parce que la composition est extrêmement variable parce qu'il y a beaucoup de polluants microbiologiques et chimiques. Vous ah ouais l'oublier. Dans l'atmosphère, bah oui. On peut pas boire l'eau de puits. Non, il y a des polluants atmosphériques, des moisissures, poudre de lessive. Parce que ça passe aussi sur les toitures, parce que l'eau de pluie, elle vient d'où? Alors, tu peux effectivement te mettre comme ça et quand elle tombe du ciel, mais même quand elle tombe du ciel, c'est pas bon. Attends, dans Koh-Lanta, ils la boivent, l'eau de pluie, Doc. Oui, mais c'est Koh-Lanta. Ouais. Ok. Ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai. Non, mais en pleine nature, il n'y a pas tous ces polluants quand même. Bah, si, parce que c'est dans l'atmosphère. Ah merde. Il y a des nuages. Sébastien, n'ouvre pas la bouche. Ouais. D'accord. Mais bon, on peut. Alors, attends. Attends, on peut en fait avoir un système de canalisation, elle a récupéré, mais il faut un raccord à ce qu'on appelle l'assainissement public. Donc ouais, c'est un peu compliqué, il faut déclarer ça à la mairie, voilà, poser une question eau non potable et ne pas la boire. En tout cas, tu ne peux pas la boire. T'as voilà entendu, Sébastien? Ouais, j'ai entendu. Mais tu reviens quand tu veux, mon pote. L'eau du robinet, okay, tu peux. Et passe le bonjour okay à Carlos. Hein. Okay. Et Isabelle, bien sûr. Bien ouais sûr, et Isabelle surtout, hein, pour Doc. Oui. Hein. Salut Sébastien. Salut. Ciao à toi. Salut. Le chiffre d'Alice, tu vas nous parler de quoi ce soir, Alice? On va parler de la durée moyenne d'un rapport sexuel en France. Ah ouais? Et ouais. Ah ouais. Combien tu dis, toi, Doc? Coït, 10 minutes. Oh, mais toi, tu tiens 2 minutes. En toi France? Non, je tiens plus. Et on n'a pas dit. Ah, tu tiens plus? T'as tenu combien de temps cet après-midi, par exemple? Une heure et demie. Une heure et demie, c'est ça. Dans tes rêves, mon pote. On a grillé. Dans tes rêves. Du tout, je te jure. Non, non, mais on va parler justement du durée d'un rapport sexuel. Il y a des mecs qui éjaculent très très vite, comme Cassim Alaria, pour qui ça dure 30 secondes. Mais à peine il a dit bonjour, c'est parti. Bien sûr. Et il y en a pour qui ça peut durer une éternité. D'ailleurs, dites-nous quel est pour vous, les filles, bah, le bon rapport, qualité, voilà, ah oui, temps. 01 42 48 5000. Et on va écouter Môme avec Aloha. Merci hein, d'être avec nous tous les soirs sur Fun Radio. C'est Love in Fun, à tout de suite. Bonjour France. Salut, c'est David Guetta. This is Martin Garrix. Écoutez Fun Radio non-stop. Fun. Partez à l'Electro Beach 2016. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec Martin Garrix. Mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez 3 jours à Port Barcarès. À l'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet. It's amazing. Je t'aime, Fun Radio. La radio officielle des plus grands DJ de la planète. C'est Fun Radio. Pour le son d'un soir. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus. Eh tiens, j'ai revendu ma Mini. Non. Ah si, j'ai trouvé mieux. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Ah si, GPS, toit ouvrant, Bluetooth, radar de recul. Ok, t'as hérité. Bah non, 295 euros par mois. C'est quoi cette voiture? C'est la Mini Shoreditch. Ah, d'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée à partir de 295 euros par mois sans apport sur 36 mois, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 30 juin 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Salut, c'est JB. J'ai une info en or pour vous. C'est les 20 ans de Bouygues Télécom. Et à événement exceptionnel, cadeau exceptionnel. Bouygues Télécom vous offre une chance de gagner la Golden SIM. Mais la Golden SIM, qu'est-ce que c'est? C'est tout en illimité. 4G illimité. Appel SMS et MMS illimité pendant 2 ans. Alors pour encore plus de plaisir avec la technologie, rendez-vous demain avec Bouygues Télécom dans mon émission pour tenter de gagner votre Golden SIM. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on conduit Citroën C4 Picasso avec Vision 360 et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, profitez d'une reprise Argus plus 5 500 euros sur Citroën C4 Picasso.

Et la séance ciné, c'était ce week-end. Donc, on est avec le petit frère qui est avec nous. Le petit frère qui avait bien négocié l'affaire. Quentin, jusqu'à 30 euros et du pop-corn. Hein. Oui, c'est ça. T'es là, Quentin? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Raconte-nous cette belle séance. Alors, du coup, on est arrivé au cinéma. On a été aux toilettes direct. Et là, il m'a passé les 30 euros plus 15 euros pour le pop-corn et les deux places de cinéma. Vraiment. Et alors, après? Bah après, moi, j'ai été voir Warcraft. Lui, il a été voir X-Men Apocalypse. Et il s'est pris un râteau. Voilà. Ah oh, le pauvre. Ils sont mais ça se trouve, c'est un business qu'ils font, Quentin et sa sœur. C'est pour se faire de la thune. C'est ça tout. À vous, là. Non, pas du tout. Mais pourquoi pas réessayer un autre jour C'est une bonne technique, ça. Genre, tu te sers de ta sœur pour te faire un petit peu de maille. Après, vous partagez. Quoi. Pourquoi on ne l'appellerait pas pour lui demander? Il doit être énervé, ce soir. Attends, j'appelle ma sœur. Non mais sérieux, Quentin. Donc du coup, il s'est pris un vrai râteau. Mais alors pourquoi elle avait accepté? Je pense que c'était juste pour aller faire un cinéma. Mais c'est pour ça qu'elle voulait que son petit frère vienne, c'est tout. Ça va être peinard à expliquer au mec que vous n'avez pas. Voilà. En fait, ta soeur, elle se fait payer des cinoches comme ça de temps en temps, quoi. Bah, c'est le premier qu'elle fait, là, je crois. Ah, puis en plus, donc, il a payé sa place, c'est celle de la copine. Bien sûr, elle a tout payé. Il en a eu pour 60 boules, quoi. Putain, merde. Bon, bah, on l'embrasse, Alex. Hein, Ça s'appelle, après ce genre d'échec, ça s'appelle l'expérience. C'est-à-dire, quand on a vécu des histoires un peu tristes comme ça, voilà, bon, on a été pris pour un con, faut dire la vérité. On apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs, absolument. J'espère ne jamais tomber sur toi, Quentin. Hein? Bon, c'était bien Warcraft? Ouais, il était pas mal. Ok, bah, va voir X-Men maintenant, c'est un film Fun Radio. Hein, tu me feras plaisir. Tu vas m'offrir des places et puis. Te faire foutre. Hein? T'as l'argent pour les payer maintenant? Ouais, exactement. Oui, c'est clair. Salut Quentin, salut. Ciao, et c'est cool d'avoir de tes nouvelles. T'as une histoire de dingue, sans déconner, quoi. Trop fort. Lisa, 23 ans de Sanary. L'amour ne s'achète pas. Absolument, Doc. Lisa, 23 ans de Sanary. Bonsoir, Lisa. Salut. Salut, Lisa. Salut. Tu voulais poser une question, toi, hein? Ouais, en fait, je voulais savoir quelle est la technique pour pas en foutre partout après avoir fait l'amour avec son mec sans capote. Du sperme, tu parles? Ouais. Voilà. Ah, d'accord, parce qu'il a l'habitude d'en mettre partout. C'est une chose pourtant bien naturelle. Mais en fait, quand t'as fait l'amour sans capote, donc il n'y a rien qui retient le sperme, et quand tu te lèves, on colle un peu partout, quoi. Ouais, je vais t'expliquer tout ça, oui. Bien sûr. Ah oui, et puis en plus, on peut diriger le jet quand même. C'est vrai qu'on est généralement assez excité. Hein. Ouais. On n'est pas à l'abri d'une petite erreur. D'une petite faciale, pardon. Voici Sib sur Fun Radio avec Brice, c'est Love in Fun. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Don't try. Sib Breeze sur Fun Radio. In. Du sexe et du fun. 20h-22h. Fun Radio. Et bienvenue, hein, si vous venez de débarquer sur Fun Radio, Love in Fun, tous les soirs du dimanche au jeudi, 20h-22h, on est là avec vous. Il y a Doc, bien sûr. Bien sûr, comme toujours. Et son sexe à pile. Pardon ? Son sexe à pile. Oui, tout va bien, merci. En ce moment, ça travaille beaucoup. Oui, c'est de l'amour, mon ami. Comment va Katoche ? Catherine, s'il te plaît. Mais non, c'est Katoche. Non, j'aime pas. Marc, ça la fait rire. Elle écoute l'émission. Elle a trouvé ça sympa comme nom. Mais moi, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Elle va très bien. Je rappelle pour ceux qui n'écoutent pas l'émission tous les soirs, ça peut arriver que Doc a trouvé chaussure à son pied. Ouais. On n'en dit pas plus. On parlera d'ailleurs des performances sexuelles dans pas longtemps. Oui, bien là. Sûr, pas de problème. Doc, en ce moment, il est OP. Hein. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc, exact. On va lire des messages qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. Un message de Martin. Pourquoi plus on se rase, plus on a des poils? Parce que ça stimule la pousse du poil, c'est bien connu. Et un autre message de Lou, j'ai un début de scoliose, est-ce que je peux quand même continuer la gym? Quel âge? Elle a 16 ans. 16 ans, ça veut dire qu'elle n'a pas été prise en charge, c'est bien embêtant. Et normalement, je rappelle que la scoliose doit être découverte dans l'enfance, c'est très important. Il y a une prise en charge thérapeutique par les orthopédistes, alors là, effectivement, c'est... En plus, ils ne sont pas tous d'accord, mais comme par exemple, moi je sais que tu es avec une patiente qui a moins de 10 ans, il faut mettre des corsets, des choses comme ça, c'est important, parce que pourquoi? Au moment de la puberté... Lors de la croissance du squelette, la croissance rapide durant ces 3 ans, la scoliose peut s'aggraver. Et après, évidemment, tous les ennuis qui vont avec. D'accord, donc faut faire très attention. La scoliose, ça se détecte dans l'enfance et ça se soigne dans l'enfance. Je reviens vite fait quand même sur les poils. Oui. Tu dis que ça stimule en se rasant tout le temps, quoi. Bah, bien sûr. Oui. Ouais, bah non, ça marche pas tout le temps. Moi, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence à me raser comme un porc. Mais là, non, oui, mais ça marchait pas. Quand t'es imberbe, t'es imberbe. Moi, jusqu'à 25 ans, je me rasais pas tous les jours. Ouais, bah on voit le résultat. Je peux pas dire que ce soit glorieux, j'ai pas, Doc. J'ai pas trop de poils. Hein, on a Lisa. Mais j'assume, hein, tout va bien. Lisa est avec. Je suis bien dans mes pompes. Elle a 23 ans de Sanary. Bonsoir, Lisa. Salut, Lisa. Hey, bonsoir. Toi aussi, t'es bien dans tes pompes, Lisa. Oh, moi, ça va, moi. Ouais. Tu nous appelles, tu poses une question, on t'écoute. Ouais, en fait, je voulais savoir si vous avez plus de technique. En fait, quand vous faites. Je fais l'amour avec mon mec sans capote maintenant, donc comment on peut faire pour pas tout rentrer. Bah oui, ça s'appelle le sperme. Pour faire tout rentrer. La semence royale, la semence grâce à laquelle tu es là, grâce à laquelle je suis là. La semence qui fait l'humanité. Bien sûr. Eh bien, effectivement, c'est une semence précieuse. Bah oui, je vous le dis quand même, c'est important. Oui. C'est pas dégueulasse, quoi. Non, on dirait des grumeaux. Au départ, c'est un coagulum, oui. Et puis après, il y a une substance qui, justement, va le liser, c'est-à-dire que ça va devenir très liquide. Ça flotte et dans c'est le bain. Comme ça, oui. Ça, c'est quand... Mais c'est quand... Bon, vous avez compris que Karel se masturbait dans son bain. Mais pas du tout. Mais non, mais. Non, mais si, sous la douche, je voulais dire. Sous la douche. Ouais, tu sais, ça fait des grumeaux. Donc, se masturbe sous la douche. Mais pas du tout. Non, mais on peut avoir des relations sexuelles sous la douche, qui est même dans son bain. Enfin, je veux dire. Tout à fait. Absolument. C'est pas forcément obligé de se masturber. Voilà, donc c'est normal, oui. Donc, attends, Lisa, il n'y a pas de technique. Alors, bon, les filles qui sont un peu gênées, elles peuvent aller se laver après. Mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de technique pour cela et c'est la nature qui fait cela. Est-ce que tu aimes le mec avec lequel tu es? Oui, tout à fait. Mais bon, après, si je me lève, voilà, tant que j'aille dans la salle de bain, je fais le petit poussé, quoi. Donc, bon. Mais le oui, petit ça poussé. Coule, bah, c'est que ça coule, elle perd des petites gouttes. Ah, oui. On la suit à la trace, c'est ce qu'elle voulait dire. Mais oui, Lisa, mais c'est pas grave, c'est la nature, c'est beau. Ah, il paraît que Cécile a une technique. Hein. Alors, elle est pas comme moi. Parce que moi, j'ai pas bien compris. Mais en fait, ça fait longtemps. Je sais pas on parle si bien d'un vagin, voilà, qui a subi une éjaculation et donc du coup, l'éjaculat. C'est là qu'on met en général. Et dans le vagin. Exact. D'accord. Alors exactement. Du coup, les filles, vous allez tout le temps aux chiottes, généralement. Voilà, c'est ça. Mais peut-être tu cours en serrant les fesses un petit peu. Et là, moi, j'ai une copine. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait en chandelle. Donc, dès que c'était fini, elle mettait hop les fesses en l'air, les jambes en haut, et elle demandait à son copain vite, va me chercher du sopalin. Et pendant que le mec allait chercher du sopalin, elle était en chandelle. D'accord. C'est vachement glamour. Non, mais attends, si vous poussez, ça sort. Bah oui. Ah ouais. Du coup, vous pouvez faire de la peinture. Bah c'est ce qu'on fait des fois. Oui, elle va s'asseoir sur le canapé du salon. Mais enfin, la peinture, c'est que quand on a nos règles. Ah. Oh, non. D'accord, cool. Oh, la punchline d'Alice, quoi. Non, ça laisse va. Tomber. Tu sais quoi, on pourrait en faire un jingle de ça. Non, c'est bon. Lisa. C'est bien parti, fais gaffe. Lisa, sois une artiste. Donc, tout va bien, voilà. Lisa. Tout va bien, tu es normale. Il n'y a pas de technique particulière. Il n'y a pas de technique, non. On ne s'endort pas avec, non plus. Bah, quand on fait un câlin après, si, on peut. Ah ouais. Mais attends, quand tu veux tomber, mais le lendemain matin, comment ça se passe? Attends, vous avez des croûtes chez les gars? Mais non, attends.

moins. Ah super, j'ai passé chez Chosh. Oh mince, oh. Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche. Rapport Arcep 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Eh tiens, j'ai revendu ma Mini. Non. Bah si, j'ai trouvé mieux. Impossible, ça c'est pas possible. Ah si, GPS, toit ouvrant, Bluetooth, radar de recul. Ok, t'as hérité. Bah non, 295€ par mois. C'est quoi cette voiture? C'est la Mini Shoreditch. Ah, d'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée à partir de 295€ par mois sans apport sur 36 mois, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 30 juin 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. I was bound, was tight, hadn't seen the light so long. Thought I lost my fight, couldn't find my way back home. And I felt alive, snapping out of me. I was bound and tight, waiting for daylight. Le chiffre d'Alice, tout le soir dans Love in Fun. On va apprendre plein de choses là ce soir et j'espère qu'on va avoir du recordman de France. De quoi on parle? Eh bien apparemment en France, la durée moyenne d'un rapport sexuel est de 16 minutes. 16 minutes pour les coït. Français, voilà. Oui, bien sûr. La durée idéale serait entre 7 et 13 minutes, mais la moyenne en France est de 16. Bah, voilà, vous savez tout. Il y a un président de la République pour qui on disait 10 minutes douche comprise. Ah putain, merde. un président qu'on a bien connu ou un vieux président Il est encore vivant, il est vieux. C'est Jacques Chirac. Devine, je sais pas moi. Je sais pas, t'as couché avec Bernadette pour savoir hein. Non, ça risque pas, non. Ah ouais, merde. Non, mais voilà. Ah, c'est Chirac ou pas alors? Non, j'ai journaliste. C'est Valéry Giscard d'Estaing? Non, bah, lui non. C'est pas. François? C'est Sarkozy peut-être? Non, bah, lui. Voilà, tu vas avoir des problèmes, fais attention. Oui, parce qu'il peut être président à nouveau maintenant qu'il s'est allié avec Barouin, on sait jamais. Hein. Ouais, d'accord. On parle de politique dans Love in Fun. Ça vous fait plaisir ou pas? On va enchaîner, ouais. Je pense. Hein. Ouais, on va enchaîner. On va plutôt parler de. Non, la sexualité des présidents, ça doit pas être mal. Ah, bah, c'est surtout que. Il y a aussi un article qui s'appelle La sexualité des tyrans. Alors, c'est des grosses billes en sexualité. Des tyrans. Hitler, Mussolini. Ah ouais. Ces gens-là. Ah, c'est des mecs qui étaient des mauvais coups, quoi. Hitler, zéro coup. D'accord. Bah écoute, on apprend des choses ce soir. Alors, on va parler là des records ou peut-être des moments de faiblesse. On a pas mal de réactions. La durée moyenne serait de 16 minutes pour toi, Jérémy. Bonsoir, Jérémy. T'imagines, salut, mec, le chronomètre, bouge pas, je chronomètre. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, on peut, voilà, mater l'heure, quoi. Ouais. Mais parfois, d'ailleurs, on a l'impression que ça durait une éternité et ça durait 30 secondes. C'est vrai aussi. Il y a quand même un autre site qui dit 5,4 minutes selon un chercheur. De coït simple. Hein. 5 minutes seulement. 5-6 minutes de coït. Jérémy, combien tu tiens, toi? Moi, j'ai fait 2h30 hier avec ma copine, mais sans les prélis. 2h30 sans les préliminaires, donc juste la pénétration. Exactement. Donc ta copine est décédée. Ah. Non, pas du tout. Mais c'est pas mon corps non plus. Non, mais 2h30, Doc, ça brûle le truc. Oui, ça brûle. Alors, il y a un médecin qui a fait une étude sérieuse hein, sur 500 cas. Et ça variait de 33 secondes. À 44 minutes, pour une moyenne de 5,4 minutes. Ah ouais. Donc, si tu vois un peu, à 44 minutes, tu vas pas en avoir beaucoup, mais à 33 secondes, il y en a peut-être plus. C'était moi hier soir, écoutez. Bon, faut que je change mon matelas. T'as fait du bricolage? Ouais. C'est vrai, c'est quoi ce bruitage de merde? On dirait que je scie un truc. Moi, je sais pas, il y a quand même une chose essentielle, enfin bref, on dit ce qu'on veut. C'est quand même le fait que les deux partenaires soient satisfaits tout de même, non? Bien sûr, ouais. On va y venir. L'harmonie dans le couple. Je vais te la poser la fameuse question, parce que Jérémy, 44 minutes, ouais. C'est ça hein, toi? Non, 2h30 toi t'as tenu. 2h30, ouais, c'est ça, gros menteur. Le kiff, c'est en fait, ta nana et toi, on jouit ensemble, quoi, tu vois? Ah oui. Ouais. Et comment on fait pour arriver à ça? C'est super dur, c'est ça, Doc. Oui, c'est pas obligatoire. Tous les sexologues le disent d'une façon générale, c'est pas une fin en soi. Alors, je rappelle quand même, dans la sexualité orientale, qui est éminemment plus subtile que la nôtre, ouais. Où l'érotisme, c'est-à-dire la relation sexuelle en dehors du coït, oui. Est très recherchée. D'accord, Maître Miyazaki. Voilà. Et que donc, même dans le Tao, on dit qu'un bon amant est un amant qui a un orgasme sur 5 rapports sexuels pour satisfaire sa partenaire. Donc, l'orgasme de la fille est plus important que tout. Plus important, mais c'est bien très sûr, important. Bien sûr, Alice. Ah, toi, c'est d'accord, Alice? C'est quoi la moyenne de tes rapports sexuels, Alice? Oh, franchement, j'en sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je suis genre de nana. Des fois, je peux avoir la flemme. Ça dure 15 minutes. Et puis, des fois, je prends mon temps. Et puis, on le refait. Je sais pas, au max, ça a dû durer plusieurs heures. Mais avec des petites pauses, chercher un petit bout de chocolat. Le rapport sexuel avec des petites pauses, c'est pas mal. Ça bah permet effectivement de revenir aux gestes érotiques, aux caresses. Voilà. Et ça, c'est des vrais rapports sexuels. Alors, Jérémy, 2h30, Adrien est avec nous. Adrien, 19 ans de Clermont-Ferrand. Bonsoir, Adrien. Salut. Ouais, salut, Karel, salut, Doc, salut, équipe. Salut. Allez. On sent le performeur. On sent le sportif. Non, pas du tout. Combien? Non, en vrai, ça dépend des fois. Genre, des fois avec ma copine, soit ça va durer genre 5 minutes, parce que bah, nous, on préfère quand ça dure 5 minutes, parce que quand c'est intense et que ça va. Et que c'est rapide, on préfère quand c'est intense. Ouais. Mais ça dépend de moi, on va dire, parce que des fois, ça peut durer 40 minutes, mais ça dépend. Hein. Je pense que le doc, je sais pas s'il pourra m'expliquer. Mais des fois, ça dure 5 minutes, ça monte tout de suite et c'est fini. Alors que des fois, on peut durer 40 minutes, bête de sexe, puis voilà. Il faut savoir que l'attitude de la fille joue un rôle important dans l'orgasme masculin. En tout cas, bon nombre de fois, pas toujours, fort heureusement. C'est-à-dire qu'une fille peut facilement, et Alice va pas nous dire le contraire, déclencher l'orgasme chez le mec. Il suffit d'avoir... n'est-ce pas, Alice? Attends, il suffit que la nana te dise « Ah oui, vas-y, défonce-moi, et ça y est, c'est bien. » Non, mais c'est vrai. Moi, je dis pas des trucs comme ça. Non, mais qu'est-ce que tu dis, Alice, pour que ça vienne plus vite? Bah, je dis pas « défonce-moi », je dis « Vas-y, éjacule, maintenant !» Non, mais tu dis quoi? Tu dis quoi? Mais tu dis rien, tu fais. Oui, tu fais, c'est ça, oui, ok, c'est pareil. Et bien sûr, Adrien... Tu fais quoi? Tu respires plus vite, tu fais des... Hein? Bah écoute, franchement... Elle plante ses ongles, Alice. Ouais, c'est ça, moi j'aime bien mordre aussi. Oh merde, comment c'est que je suis au courant? Oh mince, ça y est, on va t'es grillé, mon pote, t'es grillé. Ah non, voilà. j'ai encore des questions. C'est normal, hein. Faut savoir qu'un rapport sexuel, c'est quand même pas toujours la même chose. Ouais. Il y a des variations, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Parfois, c'est merveilleux. Voilà, c'est ça la sexualité. Si on l'a pas fait depuis longtemps, généralement, ça vient plus vite. Ah, ouais. Oui, ça peut venir très vite. Ça, c'est clair. Après, ça dure. Un match qu'on a dû faire, on fait régulièrement 30-40 minutes. Mais après, on a beaucoup moins de plaisir que quand on l'a fait au bout de 5-10 minutes. Quoi. Alors, tout à fait. Quand tu dis 30-40 minutes, c'est 30-40 minutes, tout compris, les caresses, ouais, les bisous. Tout. Mais le coït, c'est-à-dire la pénétration. Ah, pénétration, j'irais 30, quoi, parce qu'après, on est excité, donc... Il y a aussi un autre truc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on commence une relation, forcément, on est un petit peu plus excité, je pense, parce que quand on connaît sa partenaire, ça prend plus de temps parce que t'es moins excité, tu vois ? Non, je crois. Ah, je trouve, non ? Quand on connaît sa partenaire, on est moins excité ? Non, c'est pas ça, en fait. C'est que, je sais pas, on est... plus à l'aise, peut-être. Pas du tout. T'as un message à nous faire passer. Ah, pas du tout. Non, mais attends, je dis pas des conneries. C'est-à-dire que quand tu commences une relation et tout, ça vient plus vite. Et quand t'es habitué à ta nana, ça peut être l'inverse, parce que quand tu es très amoureux, au contraire, ça peut avoir l'effet inverse. Peut-être, je sais pas. Oui, il n'y a pas l'euphorie du début qui fait que voilà, t'as une excitation supplémentaire. Putain, ça va, c'est bon, ça va, tout va bien pour moi. C'est vrai que quand tu commences une relation et que le mec n'a pas eu de relation depuis 9 mois, forcément. Bien sûr. Julie, ta gueule, Doc. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Salut. Salut, Julie. Salut. Bon, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis en couple, hein, donc ça va. Ouais, 10 ans. Julie, ah ouais, 10 ans. Julie, t'es là ? C'est toujours bien, ça va ? Oui. Ouais, ça va, ça va. Chose à dire, là ? Ça marche, ça fonctionne bien, nickel. Ah, okay. Pourquoi tout va bien, toi, Doc, avec Atoche ? Ah, moi, très bien. Oui, très bien. Oui. Alors, Julie, raconte-nous, Julie. Moi, comme je l'ai dit, en fait, c'était la première fois que j'ai fait mon copain, donc je suis toujours avec moi dedans, ça durait 2 heures. 2 heures, d'accord. Ouais. La première fois ? Ouais. Ok. Du coup, je sais pas, tout à l'heure, je crois que c'est Jérémy qui disait que le deux avait réussi à avoir un orgasme en même temps, je crois. On t'entend pas. Tu peux redire ça, parce que ça t'a... Ils ont eu un orgasme en même temps, je crois. Ah, t'as eu un orgasme? Non, justement, je dis que c'est Jérémy qui disait ça, je crois. Ah, oui, Jérémy disait ça, oui. Est-ce que c'est une finalité d'avoir un orgasme en même temps? Pourquoi pas? Et du coup, moi, je disais, mon copain, non, lui, il pouvait continuer encore. En tout cas, le fantasme de l'orgasme en même temps, ce n'est qu'un fantasme et ce n'est pas du tout nécessaire à un bon épanouissement dans sa sexualité. Ça, ce n'est pas vrai. C'est même moins bien, finalement, non ? Oui. Enfin, je sais pas. Bien sûr, tu profites plus du plaisir de l'autre si tu le ressens, alors que si tu as tout en même temps, ben bon, voilà. On n'a pas encore posé la question à l'expert, ici, hein, c'est donc Kassim. Hein. C'est quoi ton record ? Une fois, j'ai tenu 7 heures, mais je l'y mets. D'ailleurs, c'est mes ancêtres. 7 heures ? C'est mes ancêtres qui ont découvert le feu. Tellement qu'il y met longtemps aussi. Je comprends mieux maintenant. Voilà. Donc il y avait une flamme au bout de 7 heures ? Ah, bah oui, c'est. Oui. Donc ah t'as oui, des oui, problèmes d'éjaculation, quoi. C'est ce non, que tu veux nous dire. Non, je veux pas dire ça. Non. T'es à Koh Lanta, tu ferais du feu rapidement. Ah, bah oui, c'est ça que t'es en train de me dire. Je défoncerai tout et je ferai du feu, c'est sûr. Bien sûr. Il paraît que ça ne baisse pas sur Koh Lanta. Ah non, tu peux pas. Il pue. C'est dégueulasse. Ils ont des poils ? Non mais c'est vrai, sur Koh Lanta, on peut pas faire l'amour quand t'es dégueulasse, Doc. Ouais, faut être très amoureux. Ah oui, mais c'est ça. Faut aimer. Ah mais en plus, ils ont des poils partout, enfin... Non mais sérieux. Mais tu sais qu'il y a un siècle, les odeurs étaient bien plus importantes que maintenant. Enfin bon, bref. Ça donne envie. Julie, ouais. Adrien et Jérémy, bravo en tout cas, la performance est attribuée à Jérémy ce soir qui tient plus de 2h30. Jérémy, mais c'est pas non plus une compétition. Hein. On t'envoie ton... Ah non, absolument pas. On t'envoie quand même ton diplôme, d'accord ? Merci. Salut à toi, Jérémy. Salut, super héros. Salut. Ciao. Et reviens quand tu veux. On va réécouter le meilleur défi, fallait pas demander de la semaine, là, dans un instant. C'est Thomas, 15 ans, de Chambéry, qui nous avait appelé dans l'émission, en fait, pour faire l'appel à sa grande sœur. En fait, il avait demandé à sa grande sœur de lui acheter de l'alcool pour une soirée. Et c'est parti en couille totale. Vous allez réentendre ça dans un instant. Vous bougez pas. En plus, on va s'écouter un pur son, là. Artiste Fun Radio. Voici Jason et Sean Paul. You make my love go. Pass me a drink to the left, yeah. Said her name was Delilah. Woo! And I'm like, you should come my way. See that? Yeah. I already surrender. Damn girl, that body's fire. You gon' remember my name. You need it, I need it. We can jump in the deep end. I wanna get lost in your love. I just wanna be close to you. Just wanna and do all the things you want me to. I just wanna be close to you. I just wanna and show you the way I feel. You made my love go. Oh, you want. I'm thinking maybe you're the right kind of wrong. I'm saying baby you won't ever forget my love. Me want you go 100 and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. Pondy the hell like Cassie and Diddy. Me now want them, I watch me like Sin City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that, woulda be a pity. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby? Full time when you dip on me mind. So me want you forgive. Jason, Sean Paul sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Loving Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun sur Fun Radio. Salut tous les bienvenus sur Fun Radio, c'est Love in Fun dimanche soir. On est en direct, hein. L'émission c'est pas un best-of, c'est pas une émission qui est rediffusée. Non, non, bien en direct, comme tous les soirs sur Fun Radio. Il est 21h01min30s. Vous pouvez régler vos montres. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Ça, si vous voulez nous appeler pour poser vos questions, c'est qu'on est là tous les soirs pour vous aider, pour vous filer des petits conseils et profiter, puisqu'en plus on Adoc est avec nous, c'est un vrai médecin. Donc allez-y, 01 42 48 5000 dans l'émission aussi tous les soirs à 21h. Je le dis, hein, pour ceux qui découvrent l'émission là ce soir, qui goûtent à Love in Fun ce soir, eh bien il y a le défi, fallait pas demander. Et ça c'est énorme. Tous les soirs vous venez poser une question qu'on n'oserait pas poser en fait. C'est les questions que vous nous posez ici dans Love in Fun. Et quand vous les posez à vos parents, à votre famille, souvent ça fout la merde. C'est très drôle et on va réécouter le meilleur de cette semaine. C'est en fait Thomas, 15 ans de Chambéry, qui avait demandé à sa grande sœur de lui acheter de l'alcool pour faire une bonne soirée entre amis. Écoutez. Allô ? Allô Mélanie ? Ouais. Ouais, juste pour savoir, je vais avoir une soirée bientôt, tu pourrais m'acheter de l'alcool ? Pardon ? J'espère que tu rigoles. Non, je sais pas, avoir une quelques bouteilles d'alcool pour une soirée, ça peut être cool. Non, je crois pas, non. Non, t'as 16 ans, je vais sûrement pas aller t'acheter de l'alcool, non ? En plus, j'ai pas de sous, tu pourrais m'y payer, puis après, au pire, plus tard, je te rembourse, ou alors tu m'y fais cadeau. Mais je viens de te dire que je t'achetais pas une bouteille d'alcool, c'est hors de question. Je te rembourserai quand je serai majeur. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais tu te fous pas un peu de moi, là. Après, si tu balances, tu vois, je vais voir maman, je vais lui dire que tu ramènes des mecs à la maison en secrète. Mais en plus, c'est pas comme si je rêve, là. C'est pas comme si je te demandais la lune, putain, je te demande juste une petite dizaine de bouteilles de vodka, c'est pas grand chose. Une dizaine ? Pardon, mais tu... Non, mais qu'est-ce que... T'es tombé, tu t'es tapé la tête cette nuit quand t'as dormi, je sais pas, il se passe quoi, là, c'est... Mais non, mais t'inquiète, on gère, mais oh là là... Non, mais c'est hors de question, non, mais tu te prends pour qui, là, sérieux ? 10 bouteilles, ouais. Non, mais tu te prends pour qui ? Même allez, moi, sinon, je balance aux parents quand tu fais l'amour quand t'as tes règles. Ouais, bien sûr, non, mais tu te prends pour qui, là ? Non, mais t'es en train de me foutre les nerfs, là. Non, mais... Mais allez, si tu veux on peut s'arranger, si tu veux tu m'achètes 10 bouteilles de vodka et je te prête un sextoy. Là tu dépasses les limites là, Thomas, hein, je te signale. Hein. Là t'es en train de me... Non mais t'es en train de me saouler là, tu crois que j'ai pas autre chose à faire? Tu crois qu'en ce moment je suis en période de partiel et tout, tu crois que j'ai autre chose à faire que t'entendre tes conneries là? Non, mais je suis désolée, tes bouteilles d'alcool, tu les auras. Allez, pas, vas-y, hein. C'est bon, tu putain, t'es vraiment une vieille peau, hein, putain. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, t'as qu'à aller te faire voir aussi avec tes bouteilles d'alcool. Putain, tu casses les couilles, bah, sérieux. Si tu veux t'en dire à maman mes soi-disant d'expérience, bah, toi, tu iras lui demander pour t'acheter de l'alcool, et puis c'est tout, tu viendras pas me faire chier. Bah, alors, si tu veux pas m'acheter d'alcool, tu pourras encore nous prendre un peu de shit. Et ça va être bien. Pardon? Non, mais ouais, là, j'espère bien, que. Bien. Non. Non, là, comment on parle de drogue, là, là non, bon, mais t'inquiète, c'est tu bon, t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour moi? Tu t'es pris... Non. Allez, vas-y, arrête, Thomas. Non. Je te promets que je vais vivre un enfer. Mais putain, mais c'est bon, vas-y, c'est bon, tu te casses les couilles, je vais aller me fumer un joint, là, tu es en train de me saouler. Non. Alors là, je te promets, parce que... Vas-y, Thomas, j'en ai roulé un, là. C'est qui, là, derrière? Ah, je suis défoncé. Non, c'est qui ton pote derrière, là? C'est un pote, t'es obligé de le savoir, c'est un pote. Non. Ouais, je suis obligé de le savoir. Il y a ton pote, il est en train de fumer un pet derrière et tout. Toi, tu vas. Vas-y, c'est bon, tais-toi, c'est bon, tu veux savoir qui c'est. Attends, je te le passe, vas-y, c'est bon, je te le passe. Ouais. Allô? Ouais, t'es qui, toi? Ouais, salut. Ouais, non, mais. Oh là là, ce que tu m'agaces, toi, c'est terrible, hein. Non, mais arrête avec ta vieille voix, là. T'es en train de faire fumer mon frère. Ouais, on fume tout le temps, hein, entre frérots, quoi. Non, tu repasse-moi mon frère, et je te promets, je vais démonter ça. Il me parle pas comme ça. Non, mais allez. Il me parle pas comme ça. Arrête de te foutre de ma gueule, toi aussi, là. Oh, putain. Non, tu me repasses mon frère, tout de suite. Je te la repasse. Dis-lui que je vais te démonter. Ouais, bah vas-y, attends, pas cool, hein, meuf. Ouais, non, pas cool du tout, non. Repasse-moi mon frère, et vite. Ouais, allô, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je vais te démonter ta race. Je te promets, je redescends de Chambéry, là. Je vais te mettre la tête au carré. Ta play, tout le bordel, ça passe tout par la relou. Tête. Ouais, je suis une relou, et alors? Ah, Mélanie. Quoi? Mélanie, t'es énervée? Bah, un petit peu, ouais. Mon frère, c'est en train de me dire qu'il veut de l'alcool et qu'il veut fumer. Ah bon? Parce que en fait, t'es en direct sur Fun Radio, Mélanie, donc tout va bien. C'est une blague. Tout va bien, Mélanie. Ça va? C'est une blague, là. Ah non, bah oui, en fait, c'est une blague, parce que t'es vraiment en direct sur Fun Radio dans toute la France. Oh, putain. Et c'était un défi. Sérieusement? C'est vrai. Ça monte la tension pour rien. Ah non, pas pour rien. Parce que grâce à toi, comme Thomas a réussi à t'énerver, Thomas repart avec sa tablette tactile et ça s'applaudit. Oh mon dieu, mais j'ai 42 tensions là. Ah oui, bah oui. Non, t'inquiète pas, Thomas, il a jamais fumé. Il ne fumera jamais. Bien sûr. Encore heureux? Eh oui, je sais. Bravo. C'est de savoir. Ah, Thomas, il a été au bout. Il a été au bout pour t'énerver. Bravo, mais... Thomas. On te fait des gros bisous, Mélanie. Merci. Salut, Mélanie. Salut. Bravo, Thomas. Hein. Merci. Et il a assuré, hein. Il n'a pas lâché l'affaire. Bravo à toi, Thomas. Tu reviens quand tu veux. Salut. Merci. Salut tout le monde. Fallait pas demander. Sauf à la team de Love It sur Fun Radio. Et dès demain, on fera un nouveau défi Fallait pas demander. Si vous voulez vous inscrire, 01 42 48 5000. Tous les soirs, il y a des tablettes tactiles à gagner. Dans un instant avec nous sur Fun Radio dans Love It Fun, Camille, 12 ans, d'Angoulême. Ouais. Salut Camille. Salut Camille. Bonjour. Salut. T'appelles pourquoi, Camille? J'appelle pour savoir à quel âge on a ses règles. À quel âge on a ses règles? Bah, tu bouges pas, ma Camille. On sera aussi avec Mathis qui a le choix entre deux filles. Pour le bal de fin d'année, il sait pas laquelle choisir. T'as le bal de fin d'année, quoi, carrément. On en parle après Kungs, This Girl, Fun Radio. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You never buy my love. You buy me this and you buy me that. To win over and be over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to love is good. Sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs, Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, 01 42 48 5000 pour nous appeler, les réseaux sociaux. On est présents partout, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas à aller vous connecter. Et si vous voulez même poser des questions sur les réseaux sociaux, on les lit à l'antenne avec Alice. Un message de Mathieu. Mes parents sont divorcés et j'ai décidé de rester vivre chez ma mère. Sauf que depuis, mon beau-père est toujours sur mon dos. Comment faire ? Il faut mettre les choses au point. Mais je pense que quand on vit dans une maison comme cela, et qu'il y a un homme, il tient le rôle de père, mais il n'est pas le père. Voilà, c'est ça. Il y a l'autorité paternelle. Je crois que c'est nécessaire. Je crois qu'il faut discuter avec lui. Moi, ce que je lui propose, comme ça, ce que je dis en général, sortez ensemble tous les deux et parlez. Mais il faut qu'il accepte l'autorité, ce qui n'est pas forcément chose simple. 01 42 48 5000. On va accueillir Camille maintenant sur Fun Radio. Elle a 12 ans, elle est d'Angoulême. Salut Camille. Salut. Salut Camille. Salut. Ça fait longtemps que t'écoutes Love in Fun, toi? Oui. Ouais, combien de temps? 3 ans. Ah, t'as commencé à 9 ans. Début, alors. Ah, elle était là dès le départ, Camille. Eh ben, ça fait plaisir. Et tu t'es dit, bah, je vais appeler 3 ans plus tard, hein, parce que j'ai une petite question moi aussi. C'est Vas-y, quoi ta question, Camille? À quel âge on a ses règles? Ça, c'est une bonne question. Ça veut dire, alors, la puberté commence chez les filles, peut commencer tôt. Maintenant, on commence assez tôt, parfois 9, 10 ans, mais aussi 12, 13, 14. Donc, ça dépend de l'âge de début de la puberté. On va dire qu'un an et demi à peu près, après le début de la puberté, tu peux être réglé. Ça, la règle survient avant la fin de la puberté. Ça veut dire que t'as eu, tes ovaires fonctionnent, les sécrétions hormonales prépare déjà l'utérus, même si tu es une jeune fille, hein, pour ce que la nature demande, c'est préparer l'utérus pour recevoir un œuf fécondé. Et le cycle hormonal se met en place, et à ce moment-là, effectivement, à la fin du cycle hormonal, les hormones chutent, et c'est là que tu as une desquamation, l'utérus à l'intérieur fait peau neuve, et donc se nettoie. Mais alors, moi, parce qu'elle a 12 ans, là, Camille, la puberté chez les filles, c'est quoi? C'est les seins qui poussent? Premier signe objectif, c'est la poussée mammaire. Est-ce que tes seins ont commencé à pousser, Camille? Oui. D'accord. Quand? Je sais pas, à 10 ans. Pardon? 2 ans déjà? À 10 ans. À 10 ans. Et tu as quel âge? 11 ans, 12 ans? D'accord. Oui. Est-ce que tu as une pilosité qui est apparue au niveau du pubis? Non. Non, pas encore. Donc les seins n'ont pas vraiment poussé. Tu peux me donner ton poids et ta taille juste? Je fais 60 kilos et je fais 1m70. D'accord. Donc tu as bien grandi. Donc tu as bien grandi. Je pense que ça devrait arriver bientôt. Alors, ce que je conseille aussi aux adolescents comme ça, c'est d'avoir un suivi annuel pour vérifier l'état d'avancement de la puberté. T'as aucun poil au niveau du pubis? Non. Bizarre. Bon. Bon, bah, et ça mérite d'un pourquoi examen clinique. Camille, t'as envie d'avoir tes règles? Non. Ah, parce que ça a pas l'air cool. Hein. Est-ce que tu as déjà des petites pertes ou des choses comme ça? Alice, des fois, elle fait la gueule. Il faut vaginal. Tu as pas de pertes du tout. Bon, je sais pas, tu as peut-être en début de puberté, 1m70, ça me paraît grand quand même. Écoute, moi ce que je propose dans ces cas-là, c'est qu'un examen clinique ait lieu, parce qu'il faut faire le point sur l'état d'avancement. Mais pas un gynécologue, il faut aller voir son médecin. Tu peux aller voir ton médecin, le pédiatre jusqu'à 15 ans et demi. Ouais, bien sûr. Voilà. D'accord, Camille?

but it goes like. He's not my guy, he's a friend. Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like. Every day you ride with your friends. But it goes like. I don't need your money for my rent. But it goes like. 8.9, I'm a 10. But it goes like. Call to your Wi-Fi again. It goes like. I know what boys like. I know what they want. They want that good thing. They wanna get. But it goes like. Tampa Zara Larsson sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc et Karel. Avec l'un des tubes qu'on va entendre pendant tout l'été, Imani sur Fun Radio. Don't be so shy dans un instant. Il y a un truc dans ce son. Hein. C'est vachement bien. Imani, Don't Be So Shy dans Love In Fun. Vous restez bien avec nous. En attendant, on va accueillir Matisse, 14 ans de Draguignan. Le beau gosse de Draguignan. Hein. Salut Matisse. Salut. Ça va, salut. Champion. Alors, tu nous appelles pourquoi, Matisse? Alors, je vous appelle parce que j'hésite entre deux filles invitées au bal de fin d'année et j'aimerais que vous m'aidiez à choisir laquelle. D'accord. Et les deux sont intéressées par toi? Alors, je pense, oui. Comment elles s'appellent? Marine et Léa. D'accord. On t'a réservé un petit questionnaire. D'accord. D'accord. Donc tu vas répondre à ce petit questionnaire. Faut aller très très vite, hein. D'accord, parce que sinon ça va prendre une plombe. Donc on y va, d'accord. Ok. Allez, c'est parti. Avec qui tu t'entends le mieux? Marine. Ok. Qui te fait le plus rire? Elles me font pas trop rire en fait. Oh, t'es chiant. Ça y est. La deuxième question, il sait pas répondre. Ok. Donc on répond pas. Qui a le plus beau visage? Marine aussi. Marine. Avec qui tu aurais le moins honte d'être vue au bal? Eléa. D'accord. Qui sait le mieux danser? Bah, je sais pas. J'ai déjà pas dansé. Qui rendra le plus jaloux tes potes? Peut-être Marine, ouais. Marine. C'est pourri comme argument, ça. Bah, et qui est, c'est le questionnaire de Podgel, notre producteur. Ah, ouais, d'accord. Qui est la plus intelligente? Eléa. D'accord. Qui s'habille le mieux? Eléa, oui. Eléa. Avec qui tu échanges le plus de SMS? Marine. Ok. Laquelle est la plus riche? J'en sais rien. Ok. Laquelle a les meilleures notes pour t'aider à faire tes devoirs? Eléa, d'accord. Eléa, il y a fort avantage là. Laquelle a une piscine pour les vacances? Je sais pas. Qui a les plus gros seins? Marine. Marine, ah, et oui. La seule question qui compte vraiment, de qui tu rêves quand tu te masturbes? Aucune des deux, forcément. Aucune des deux, on fait mais le compte. Il est amoureux, là. Pour Marine. C'est pas forcément pour me mettre avec elle, c'est pour danser, quoi. Enfin... Pour Marine, 5 croix. Et pour Eléa, 4 croix. Ouais. Donc tu iras avec Marine. Salut et merci d'avoir appelé Mathis. Allez, ciao. Salut. Ça, tu crois que ça l'a aidé? Ah bah oui. Attends, c'est le choisi à sa place quoi. C'est le test de la vérité quoi. Je veux dire, chez vous à la maison, j'espère que vous l'avez fait. Vous avez tout de suite rendu compte que voilà, vous savez qui est la femme de votre vie. C'est juste un peu bidon. Bah, bah, bon. Ah ben mais Doc, on peut pas choisir pour Mathis de toute façon. Bah, bien sûr que non. Il faut qu'il suive son cœur, c'est ça. Oui, d'abord il y en a une qui accepte, une des deux. Ouais. Il est même pas sûr. C'est ça, mais si ça commence par là, d'abord faut demander. On trouve une troisième éventuellement, mais si elles acceptent, pourquoi pas. Ah ouais, t'as tes chances avec les deux, t'es sûr? Oui, je pense. Bon, écoute, d'après la formule magique de Podgel, notre producteur, ce serait Marine, la grande gagnante. Je te propose une chose, t'envoies un message aux deux. Ouais. La première qui répond, c'est la bonne. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Ok, d'accord. T'as fait comme ça pour Katosh? Non, elle était toute seule en lice. Ah, mais il y en avait pas. Il y en a une qui voulait bien. Il y en avait qu'une qui faisait la queue. Non, du tout. C'est Marine, ce sera Marine, Mathis. On l'appelle? On lui dit? Bah, en fait, j'ai pas donné le numéro, mais j'ai pas. Enfin, j'aurais pas l'appeler parce que. Enfin, voilà, je voudrais lui dire de moi-même. Ah, je pense que tu vas te griller sinon, oui. T'as raison. Eh ben, écoute, Marine, tu nous tiens au courant, d'accord, Mathis? Ok. On est désolé pour aller, hein. Mais bon, il fallait avoir de plus gros seins, a priori, pour gagner et être dans le questionnaire. Salut Mathis, ciao à toi. Salut. Vous êtes terre à terre. Salut mon pote. Salut. Et Enzo, 16 ans, sera avec nous dans un instant. Alors Enzo, il fait beaucoup l'amour avec sa copine. Il se demande en fait si c'est normal ou pas de faire l'amour avec sa copine. Voilà. Autant de fois. Bah bien sûr. Ouais. Bah oui. Quand on fait beaucoup l'amour. C'est qu'on aime. En ce moment, il paraît que tu y vas pas mal d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. J'en reconnais. Combien de fois aujourd'hui ? Deux fois, pourquoi ? Voici Matène, Café d'Almar. Café Del Mar sur Fun Radio. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et appelez-nous tous les soirs sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est la libre antenne sur Fun Radio. N'hésitez pas si vous voulez passer un petit message hein, sur les réseaux sociaux aussi, on est carrément là. Le Twitter de l'émission, hashtag LoveInFun, @LoveInFun bien sûr, et la page Facebook de l'émission LoveInFun. On a Quentin là qui nous appelle au standard, il a 13 ans, il est d'Amiens. Salut Quentin! Salut à tous. Bonjour Karel, bonjour Doc, salut l'équipe. Salut Quentin, seul bienvenue, 98 hein, pour nous écouter à Amiens. Tu nous appelles pourquoi Quentin? Moi je vous appelle parce que je suis un peu dépressif. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est depuis que mon père en fait il est parti à Lille la semaine. Et donc de ce temps je vois que le week-end. Et avec ma mère, mes soeurs, tout ça c'est compliqué le soir. Pourquoi c'est compliqué? Parce que j'ai du mal à supporter mes soeurs et puis... Après, c'est aussi le stress aussi pour aller au collège. Qu'est-ce qui se passe au collège? C'est des gens qui se moquent de moi, qui disent que je suis un intello, tout ça. Mais c'est des gars dans ta classe qui voient que t'es plutôt doué et qui te disent que t'es un intello et que t'es con, quoi, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Oui. C'est du harcèlement, Doc. Ça y ressemble fortement, ça va jusqu'où? C'est-à-dire que c'est des moqueries, ils te bousculent parfois, ils font quoi? Non, ça reste que des moqueries parce que je peux pas supporter qu'on me bouscule, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, Doc? Parce que là, il faut en parler. Déjà, donc, c'est une première situation. Et je crois que ce que tu décris, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que ton papa soit pas la semaine, finalement, tu te sens un peu moins en sécurité. Avec les sœurs et tout, quoi. Ouais, est-ce que t'en as parlé à ton père? Puisque justement, il revient le week-end. C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à parler avec lui parce qu'on s'embrouille beaucoup. Ah oui, tu t'embrouilles avec tes parents, ce qui est logique. Mais il va falloir quand même qu'il s'occupe de toi, là. En fait, je pense que si tu leur dis, ils vont quand même comprendre qu'il y a un petit souci à l'école, non? Alors, c'est aux adultes de régler ça, c'est à ta mère, à ton père, d'aller à l'école, de dire ce qui se passe, c'est-à-dire que tes sources de brimade en permanence par un groupe est toujours le même, depuis combien de temps, en fait, exactement? Ça a commencé depuis le CE2. Ah oui, donc CE2, et là, t'es en quelle classe? Je suis en cinquième. Ouais, et c'est toujours les mêmes? Tu dis ton suivi, en plus? Non. Ah, c'est d'autres, oui, mais ça... Ah, parce que t'as toujours été le meilleur de ta classe, quoi. Pas vraiment meilleur, mais dans la catégorie des meilleurs. Donc ça, il faut régler ça avec tes parents. Mmh. Si tu veux plus de détails, t'as Internet ou t'as pas Internet? Si, j'ai Internet. Alors tu vas sur SOS Harcèlement. Mmh. C'est un site fait par l'Éducation nationale. Tu le montres à tes parents. D'accord. Et tu dis, voilà ce qui m'arrive. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que c'est pas évident de le dire finalement à ses parents. C'est eux qui te font poser la question. Tu dis que t'es un petit peu dépressif. Ça veut dire que t'as aussi des idées noires? Tu penses à des trucs pas cool, genre à te faire du mal, des choses comme ça? J'y ai pensé un temps, mais plus trop maintenant. T'as pensé à te suicider? Oui. Oui, ok. Oh, c'est pas possible ça, sérieux. Si, mais c'est très fréquent et c'est négligé. Faut évidemment pas le faire. Hein. Non, bien sûr, non, c'est pas ça, c'est que je préfère qu'ils le disent. Faut lui mettre les mots en face. Alors en fait, ce qui se passe, très clairement, quand on est dans une situation où on ne se sent pas bien du tout, on a un peu envie, quelque part, d'être quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut que t'en parles. Alors, première étape, tes parents. Deuxième étape, je pense que ce serait bon que t'ailles voir, pour te soutenir, un pédopsychiatre. T'habites où, à Amiens? Oui. Ok. Donc, on peut d'abord te soutenir, t'écouter, régler ce problème de harcèlement, bien évidemment. Et puis, éventuellement, c'est le pédopsychiatre qui décide de te soutenir momentanément par un petit traitement pour que déjà tu te sentes un peu mieux. Tu comprends, Quentin? Oui. Il faudrait que j'explique aussi à tes parents d'une certaine façon. Moi, je suis prêt à leur parler, hein, pour leur dire que tu nous as appelés. Voilà. Tu serais chaud pour ça, Quentin, si ton père, enfin voilà, Doc, il appelle un de tes parents pour leur en parler? Non. Voilà. Alors, et ça va être le problème, en fait, parce que une fois que tu vas avoir accroché, est-ce que tu vas leur en parler? Oui. D'accord. Ok, donc tu peux te débrouiller tout seul. Tu vas le dire à ta manière. Fais bien gaffe, dis clairement ce que tu vis. Je leur ai dit en quelque sorte que j'allais vous parler, mais je leur ai pas dit de quoi. D'accord, ok. Ok, et ben maintenant... C'est peut-être le moment, ouais. Et est-ce que t'es chaud, si tu veux, on va te filer le numéro du doc? Ouais, comme ça, tu vas pouvoir dire un petit peu au doc par texto, SMS, ce qui se passe. Exactement, quoi. Et puis donner à tes parents. Si tu le souhaites, moi, je vais pas te forcer. Mais si tu penses. Surtout à ta maman. Non. Mais aux deux, ou à ta mère, peu importe. Mais en tout cas, pour que je lui parle, si à un moment donné, tu prends conscience que ça peut t'aider. Voilà. Ouais. Bon, t'es un peu rassuré? Oui. Bon, et nous, on va continuer de te suivre. On va t'aider. D'accord, Quentin? Ok. Bon, on te fait une grosse bise, Quentin. Salut. Ça marche. Salut Quentin. Salut. Merci. 01 42 48 5000, on va accueillir Enzo là maintenant. Enzo, 16 ans, de Lyon. Salut Enzo. Salut. Salut. Oh là, parle plus fort dans le téléphone, mon pote. Ouais. T'appelles pourquoi, Enzo? Je fais beaucoup l'amour avec ma copine et voilà. Ça me paraît de te mettre en joie. Ah putain, le mec est déprimé quoi. Le mec fait l'amour et le mec est déprimé quoi. Bon, on en parle dans un instant, tu bouges pas. Voici Drake sur Fun Radio. Baby. Like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Fun Radio. 22h. Loving Fun. Sur Fun Radio. Et on est tous ensemble tous les soirs sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Alors on va lire des messages parce qu'il y en a plein là qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. C'est parti avec Alice. Une question de Laura. La majorité sexuelle, c'est à quel âge exactement? Alors légalement, bien sûr. Oui. 15 ans. En dessous de 15 ans, on considère qu'un enfant ne peut pas être consentant. Ça veut dire très clairement, s'il y a 13 ans en relation sexuelle avec un enfant, un garçon de fille de 13 ans, voilà. Il y a agression sexuelle. La seule différence, c'est la différence d'âge. Si, par exemple, un enfant de 13-14 ans a un rapport sexuel avec quelqu'un de 16 ou 17, il n'y a pas... Enfin, c'est toléré. D'accord. Il faut qu'il y ait 5 ans. C'est le délai de 5 ans. Ouais, 5 ans, c'est le maximum. S'il y a moins de 5 ans entre les deux partenaires, c'est pas considéré comme une agression sexuelle. D'accord. Et un autre message... Si c'est un vieux monsieur de 50 ans, oui. Ah, ouais, ah non, oui, bah, là, c'est pas pareil. Là, c'est horrible. Et là, ça... Dites-nous, appelez-nous. Et un message de Guillaume, je dois faire bientôt une prise de sang, sauf que j'ai peur que mes parents grillent, je fume des joints de temps en temps. Comment faire ? Rien à voir, non. Alors, je remets les choses au clair. Une prise de sang, c'est une prescription médicale. On ne fait pas d'examen à l'encontre des gens et dans le dos des gens. Donc la prescription, il peut l'avoir, très simplement. Il y a des examens qui sont demandés. Alors, pour doser le tétrahydrocannabinol, comme ça, à froid, non, il n'y a pas de raison, a priori. Sauf si les parents sont allés voir le laboratoire, mais ça fait... Non, je pense que... Moi, je ne suis pas du tout pour ça. Je vais vous dire, très clairement, que si vous craignez que votre enfant fume du hashish, il faut lui parler. Il faut lui dire, voilà, j'ai l'impression, est-ce que tu fumes du hashish ? Il faut en parler librement. Il ne faut pas le prendre, attention, tu vois ce qui va t'arriver. Il ne faut pas le menacer, c'est ridicule, c'est stupide. Les adolescents sont tout à fait capables de comprendre, ce n'est pas bon pour toi, j'ai besoin d'en parler, on en parle ensemble. Et cocaïne, bien sûr, inclus, puisque c'est très répandu chez les collégiens et lycéens maintenant aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. On va accueillir Enzo, 16 ans de Lyon. Salut Enzo. Salut. Salut. Salut à toi Enzo. Alors tu fais beaucoup l'amour ? Ouais. Ouais. Ah, c'était hier, tu peux me donner un petit planning de ta semaine ? T'appelles pour ça Par exemple. Bon, en fait, le mercredi, je vais chez elle. Mais alors, on fait l'amour, quoi. Ouais. Vendredi, pareil, après, c'est dans le week-end aussi. Ah oui, d'accord. Mais c'est combien de fois par jour ? Une fois. Ah oui, donc ça c'est... beaucoup ? Ah, t'appelles ça beaucoup, faire trois fois dans la semaine ? Ouais, des fois, ça va jusqu'à 5 ou 6. Après, à 16 ans, c'est pas mal. 5 ou 6 dans la semaine, oui, tout à fait. Ah, c'est vrai. Oui, non, mais dis-moi, ça te fait de la peine ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es normal ? Je te réponds que oui, tu es normal. Tu as l'air triste. Oui, mais enfin, je sais pas. Alors, là où c'est pas normal, c'est si la copine n'est pas d'accord, tu vois. Tu as mal. Non, si. Tu as mal à ton kiki ? Non, ça va. Qui c'est qui rigole derrière ? C'est moi. Il y a pas une meuf derrière ? Non, c'est moi. C'est marrant, t'as un rire de fille. Ouais. Alors, la question de Karel posée différemment, est-ce que t'as quelques irritations ? Est-ce que ça te brûle un peu après la relation sexuelle ? Non, pas trop. Tu utilises des préservatifs à ton âge ? Ouais. Ok, d'accord. Non, mais tout va bien. Est-ce que vous êtes heureux tous les deux ? Oui. Où est le problème ? Non, mais c'est peut-être. Je pense peut-être avoir une explication. Parce que Enzo, il a 16 ans, et à 16 ans, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait l'amour. Regarde Ryan, il a 19 ans et il n'a toujours rien fait. Donc voilà. Il n'a rien en vue en plus. En plus. Non, mais ne l'enfonce pas, Doc. Ne l'enfonce pas. Il est sur le chemin de la guérison. On lui avait promis, en rentrant dans Love in Fun, qu'à la fin, avant la saison de Love in Fun, avant la fin de la saison, il aurait. Pas gagné. Hein. Là, je suis prêt à débourser 50 euros. l'emmener chez les copines du bois. Hein. Et puis on va s'arranger. Les copines sont des copains souvent. C'est avec des gros seins, mais aussi un matériel sexuel. Ah oui, non mais. En bas. Enzo, tes potes, ils font le pas l'amour. Service trois pièces. Non. Ouais. C'est pour ça que tu poses la question, parce que t'as l'impression d'être différent de tes potes. Ouais, voilà. Alors, ce qu'il faut dire, Enzo, c'est vrai, c'est qu'en général, les rapports sexuels à cet âge-là sont occasionnels, épisodiques, pas réguliers. Mais toi, t'as une vie sexuelle régulière, tant mieux pour toi. Si t'es heureux comme ça, tout va bien. Ouais. Tu es normal. Ok Enzo ? Ok. Y a pas un truc que tu as pas osé nous dire que tu voulais rajouter? Non. Est-ce que je peux avoir un pack Love in Fun? Ah oui, bon, ça, on s'en doutait. Hein. Grosse tu consommation. Tu reviens quand tu veux, Enzo. On va t'envoyer des capotes. Salut. Allez, salut mon pote. Salut. Ciao, ciao, ciao. L'info d'Alice. Attention, nouvelle information ce soir, information exclusive Love in Fun. De quoi on va parler ce soir? Bah écoute, je suis tombée sur une petite invention. En fait, c'est en Angleterre, ils ont créé un bracelet connecté qui en fait te lance une décharge électrique à partir du moment où tu dépenses trop d'argent. Oh putain! Donc c'est bien pour les acheteurs un peu compulsifs. Donc on s'est posé la question, est-ce que vous avez déjà fait des craquages shopping de ouf en dépensant beaucoup d'argent d'un coup, peut-être même trop? Donc voilà. Bah voilà, donc c'est une info assez sadique et barbare, mais enfin bon. Bah tu dépenses de l'argent pour pas trop en dépenser. C'est un peu particulier, mais bon, pour les acheteurs compulsifs, moi ça me ferait pas de mal de recevoir une petite décharge. Ouais, ouais. C'est sûr. Elle fait des petites décharges. Elle fait des casses. Une grosse décharge. Elle fait des casses à Promode, Alice. Oh putain, j'ai fait un week-end de ouf. J'ai été à Promode, j'ai tout acheté. Regarde ce petit tailleur tout bleu. Regarde, j'ai pris le même en violet et en jaune et en vert. Mais c'est ça le problème, c'est que moi je ne peux pas me décider, je prends tout. On compte sur vous les filles, oui, les mecs. Il y a des mecs aussi qui font beaucoup de shopping. Ah bah oui. Mais bien sûr, dites-nous quel a été votre plus gros craquage shopping. Est-ce que vous avez été même jusqu'à prendre la carte bleue des parents du mec, de la copine? Venez nous dire 01 42 48 5000 et on écoutera Imani, Don't Be So Shy. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right. A tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. Bonjour France. Salut, c'est David Guetta. This is Martin Garrix. Écoutez Fun Radio non-stop. Fun. Partez à l'Electro Beach 2016. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec Martin Garrix. Mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez 3 jours à Port Barcarès. À l'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet. It's amazing. Je t'aime, Fun Radio. La radio officielle des plus grands DJ de la planète. C'est Fun Radio. Pour le son d'un soir. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Emmenez Fun Radio partout avec vous. Avec l'appli Fun Radio. Fun Radio. Sur iPhone. Fun Radio ouvre sa boutique officielle. All we need to start is le shop. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir en exclusivité la collection complète de t-shirts, sweatshirts, mugs, coques et autres accessoires aux couleurs de Fun Radio. Fun. C'est énorme. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors passez en mode fun maintenant. Maintenant sur funradio.fr/shop. Come on. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in our ghost town. Oh, yeah. was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Et du fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h sur Fun Radio. 20h, 22h tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio. Encore un gros quart d'heure à la démission avec vous. Alors venez, hein, si vous avez un truc à dire, lâchez-vous tous les soirs. 01 42 48 5000. On va attaquer la dernière quart d'heure avec une petite info, Is. Ouais, je suis tombée sur une nouvelle invention en Angleterre. En fait, c'est un bracelet connecté qui permet en fait de dépenser un peu moins, parce que le but, c'est que ça t'envoie des décharges quand tu dépenses trop d'argent. Mais comment le bracelet, il sait que t'as dépensé trop d'argent? Mais en fait, il est connecté même à l'intérieur de ta maison, en fait, ce qui fait qu'en fonction de, même si tu dépenses trop d'énergie, enfin si tu as trop d'énergie qui ont été consommées dans ta maison, ça va t'envoyer une décharge. Comment donc il y a vraiment tout, en fait c'est connecté à ton application par rapport à la banque et ça c'est tout ce que tu dépenses. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est ouais, enfin, je sais pas en temps réel si tu peux savoir vraiment. Par exemple, si tu fais des cartes bleues toute l'après-midi, comme tu le fais toi, par exemple. C'est le même principe que l'application, que tu as les applications de banque. En fait, c'est immédiat finalement, hein, les débits. Vous êtes sous haute surveillance. Ah, ouais, c'est ça. On peut c'est assez particulier. C'est non, mais ça, c'est fou parce que ce contrôle de l'individu, où est la liberté? Je pense pas qu'on puisse évoluer sainement dans un monde hyper contrôlé comme ça. On n'existe plus. Bref, alors on a où est la responsabilité de chacun. Donc okay, choqué. Donc choqué. Ouais, franchement, oui. Ouais, non mais ah bah ouais, c'est aussi particulier. Hein. Et aussi quand tu fais l'amour aussi, ça te permet de te dire tu fais trop ou pas assez. Ah bah c'est non, ça t'as le droit, tu vas autant que tu veux. Ah ouais, alors il y a beaucoup de réactions. On parle du craquage shopping. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que les filles, vous avez un truc avec oh, le shopping. Oh, il y a pas que nous. Mais surtout, ouais, moi aussi ça m'est arrivé. Mais bon. Ah ça... tu craques toi aussi sur shopping. Ça peut m'arriver. Un genre tu peux dépenser beaucoup d'argent en très peu de temps, quoi. Ouais, carrément. Ouais, je peux faire un petit kiff. Ouais, pour Katoche, je vais te dire, j'ai déroulé le tapis rouge. Hein. Allez, je vais donner ma black card. Elle s'est fait kiffer à prise unique. Arrête, elle n'est pas du tout comme ça. Anthony, t'es avec nous. Anthony, 22 ans de Mayenne. Salut, Anthony. Salut tout le monde. Ah, salut. Les mecs font du craquage de shopping. Salut, Anthony. Sans déconner. Vas-y, raconte. Bah, en fait, moi, j'étais à découvert de 400 euros. Ah oui. Je voulais acheter un jeu vidéo pour un pote qui va pas tarder à sortir. Du coup, je me suis acheté dans une boutique pour me renseigner sur ce jeu-là. Ouais. Et en final, je suis ressorti avec une Play 3. Ah oui. Ah, c'est souvent comme ça, ouais. Tu te renseignes sur un truc et tu ressors avec le plus gros truc du magasin. Hein, c'est ça. Et tu l'as payé comment? Je l'ai payé par carte bleue. Ah d'accord. Donc t'as explosé le plafond. Oui. Puis t'avais droit à combien de découvertes? Ouais, j'avais droit à 900 euros ce mois-ci. Ah oui, d'accord. Et qui a déjà piqué de l'argent à ses parents? Ah oui, non, mais tout le monde dit oui. Eh, mais c'est honteux le truc. Et moi, je me souviens une fois, j'aurais fait ça dans ma vie, moi. Moi, une fois, j'avais pris un chèque à mon père et j'avais imité sa signature. Oh là là. Et t'avais mis quel montant? Je m'étais acheté un skateboard. Et je m'étais fait un gros kiff. Sans mais s'en est rendu compte ou pas? Ah bah non. Mais peut-être qu'il vient de l'apprendre. Bah, j'embrasse mon père. Voilà. Anthony, donc toi, craquage, tu rentres dans une boutique, tu ressors avec la console pour un jeu vidéo à la base. Sylvia de Moulins. Bonsoir, Sylvia. Ouais, salut. Salut l'équipe, salut tout le monde, je suis trop contente. Nous aussi, on est contente de t'avoir. Alors, raconte-nous toi Sylvia, tu fais beaucoup de shopping ou pas toi déjà? Ouais, quand même pas mal. Genre le samedi après-midi, c'est shopping? Ouais, ou alors quand je sors du boulot, tiens, une petite fringue par-ci par-là, pour monter le moral, puis pour me dire, voilà, je récompense de ma journée de travail. Tu vois? Ouais, mais t'as raison, il faut se faire plaisir dans la vie, faut profiter. Le peu d'argent qu'on te donne, tu le dépenses. Bah, c'est fait pour ça. Bien. Ouais. C'est vrai. Mais si, toi, t'économises peut-être? J'ai du mal. Ouais, bah tu vois. Sylvia, ton plus gros craquage, c'était quoi toi? Bah alors moi, pourquoi? Tu vois, c'est pas. Excuse-moi, Karel, mais t'as fini ton plus gros caca. J'ai dit ça ? Ah oui ? Ah bah, je suis crevé. On n'a rien osé dire. Hein. Ton plus gros craquage, enfin, ou ton caca, hein, c'est comme tu... Alors, c'est quoi ton craquage ? Mon plus gros craquage, alors, ben, c'est pas une fringue, si tu veux. Alors, en fait, j'avais un bon de réduction dans un institut de beauté. Alors, bon, c'est mon diamant. Ça, c'est piège à con. Je sais pas si je peux prononcer le mot. Vas-y, ouais, on s'en fout. Peux tout c'est dire. Yves Rocher. Yves Rocher, voilà. D'accord. Ouais, quand même, oui. Ah, t'as fait un casse à Yves Rocher. T'as les bons d'achat, vas-y. Vas-y, attends, voilà. On va parler des bons d'achat après. Voilà, et en fait, pour 400 euros, j'avais droit à des séances, en fait, t'enfiles un collant de la tête aux pieds et on t'aspire avec une genre de ventouse pour perdre quelques centimètres. Deux centimètres de taille connerie. Ouais, un peu de graisse. T'y as cru ? Bon, pour affiner le corps. 400 boules. Non mais attends, ouais, ça, les bons d'achat comme ça, c'est la super arnaque. Ça, c'est une technique de marketing. C'est-à-dire pour faire acheter des gens, tu leur files des bons d'achat gratuits. Ouais. J'ai économisé ça, mais en fait, tu dépenses. Bien sûr. Voilà. C'est un piège à con, mais bon, on aime bien des fois avoir un petit bon d'achat quand même, ça donne 5 euros, quoi. Oui, bien sûr, mais tu le dépenses pour l'instant, alors que tu n'auras pas dépensé sans ça, peut-être. Peut-être, ça c'est vrai. Ouais, Sylvia, et du coup, t'as perdu un petit peu de hanche et tout pour 400 euros ? Ah ouais, non mais franchement, ouais, ça marche, hein. Ah, ça a marché. Heureusement, alors. En mettant un collant. En mettant un collant. Ouais, en fait, Moi, je vais mettre des collants. Non, mais c'est une horreur à enfiler. Non, mais une fois que tu as enlevé le collant, tu les retrouves, non ? Ah, ben en fait, quand tu enlèves le collant, en fait, t'as des bleus à cause de la ventouse. Hein. Quoi ? Attends, je n'ai pas compris. Mais ça s'appelle pas la cellule M6 ? C'est pas ça ? Si. Ah, ça y est, c'est ça. Quoi, c'est quoi la cellule M6 ? Bah, c'est un truc contre la cellulite. Voilà. Mais d'accord. Mais de toute façon, nous, les femmes, contre la cellulite, on doit souffrir. Mais on l'aime, votre cellulite, les filles. Bah oui, à d'autres. Ouais. Moi, j'adore les bonnes. T'aimes bien, oui, c'est ça, t'aimes bien t'accrocher. Bah, bien sûr. Les poignets. Mais bien, ouais, pourquoi pas, franchement, moi, j'aime bien. Si c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si c'est squelettique, j'aime pas, moi. Ouais, d'accord. Alice, ton plus gros craquage. Oh, mais moi, j'en ai. Moi, c'est toute ma vie, mon craquage. C'est ça, moi, le. Et ton plus gros caca ? Bah, écoute, je sais pas. C'était hier soir. Un bon barbecue la semaine dernière. Non, mais moi en fait je craque tout le temps, tout le temps. Ah tout ouais. Le temps. Ouais, j'ai un gros problème. Toutes les semaines j'achète des fringues. C'est voilà, j'ai un gros problème. Et c'est une de tes passions. Pour toi, c'est de l'achat compulsif. Bah franchement, je pense. Ouais. Parce qu'il y a des moments concrètement. En fait, j'ai pas envie de m'obliger à choisir. C'est-à-dire que je vais essayer tout donc ce que je veux. Et en fait, je vais pas choisir entre l'un ou l'autre. Je me dis bah attends, il y a pas de raison. Je les aime pas pareil. Parce qu'un gilet et un pantalon, ça ne s'aime pas de la même façon. Donc je suis obligée d'acheter les deux. Ça c'est les meufs. Et puis pareil, quand il y a une veste, c'est pas la même en vert, c'est pas la même en bleu. Elles je ont confirme, pas le. Voilà. Je confirme. Donc du coup, bah, je suis obligée de prendre les quatre. Il y a un gène, Doc. Non. Elles ont un gène, les filles, avec les fringues. Oui. Ouais, je sais pas, peut-être. Non, je pense que c'est un comportement qui a un caractère un peu compulsif. En même temps, elle se met pas en danger, t'es pas en découvert mortel. Cécile, t'es comme ça, toi aussi. En situation de rupture de paiement. Ah ouais, tu dépenses beaucoup aussi. Ouais, beaucoup. Et puis, par exemple, moi, j'avais cassé mon téléphone et je me suis dit, bah, je vais acheter un téléphone. Ah oui, on a vu l'iPhone 6, 128 gigas à acheter. Oui, voilà. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, quitte à racheter un téléphone, autant se faire plaisir. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre l'iPhone 6 Plus, le 128 gigas. Et puis voilà. Voilà, et tous les jours, elle nous dit « Oh putain, j'ai plus de thunes !» C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain, alors qu'elle avait fait son putain de craquage, Doc lui a dit « Ah bah, c'est dommage, t'as acheté un téléphone, j'avais prévu de t'en offrir un. » C'est bon, Samsung Galaxy S4 qui est toujours chez moi d'ailleurs. Ouais. Bah, qui est toujours prêt à, et voilà, bon. Eh bah, tu sais quoi ? Demain, on l'offrira à l'antenne. Vas-y. Tape dans la main. Allez. Hop. Le téléphone du Doc. Demain dans l'émission, un Samsung Galaxy S4. On le remet à zéro avant quand même. Ah oui. Non, je le fais sérieux. Non, parce que je veux pas qu'il y ait. Tiens, le mec, il y a toutes mes infos dedans. Essayez d'éviter. Ou alors là, ils vont très très cher. Avec des photos de toi à poil. T'entends ça, Sylvia ? On est la seule émission de radio à offrir des cadeaux qu'on a déjà utilisés. Oui, mais enfin. C'est sympa les mecs. Hein ? Ah, Galaxy S4 quand même. Galaxy S4. Et en plus, ça t'a coûté cher, Doc. Je m'en fous, ça. C'est pour offrir, je m'en fiche. La générosité. Ouais. Sylvia, Anthony, on vous fait des gros bisous. Vous revenez quand vous voulez sur Fun Radio. Et demain, Samsung Galaxy S4 a gagné dans l'émission. En plus, c'est le mien. Ah ouais, et c'est celui utilisé par Doc, j'ai envie de dire. Léo est avec nous, 15 ans de Valenciennes. Salut Léo. Salut Léo. Salut Karen. Salut à toi Léo. T'appelles pourquoi ?